Ça, c'est ce qui s'appelle une terre riche. Une bonne terre. Regardez, regardez ça. C'est du gâchis. Bétonner de la terre comme ça, c'est un non-sens. Yeah. ma place soumise. Il détruit notre terroir, notre culture et notre patrie. Il s'asservit férocement les derniers noyaux de résistance. Le monde rural disparaît pour que meure notre vieille France. Pour que règne une jeunesse sans mémoire ni passé. Mondialisée, oublieuse des valeurs d'antan. C'est l'âme de la France qu'on jette au bûcher. L'automne a lieu dans la joie, sous les applaudissements. Un coup de grosse tête.